Le sceptre de Dagobert par Arnaud Fontaine, chapitre 1er. Le carrosse de Lord Reginald Hammersby longeait les bords de la Tamise en direction de Westminster, où le comte se rendait à une session ordinaire de la Chambre des Lords. De l'autre côté du fleuve, défilaient, sous son regard pensif, les misérables bâtiments industriels entassés pêle-mêle pour les besoins de la naissante industrie britannique. Depuis quelques années, ils avaient poussé là, sans planification, comme autant de champignons toxiques. Sans effort architectural, sans considération pour le bien-être des gens qui s'y échinaient au travail, ils exhalaient par leurs cheminées une fumée sombre. La rive sud de la capitale semblait désormais continuellement nimbée d'un halo de ténèbres. Au-delà des usines se trouvaient des taudis de briques et de brocs, ainsi que des immeubles délabrés où les ouvriers vivaient dans une misère noire. Plus loin encore, des rangées de maisons mitoyennes et tressies et des maisons de ville divisées en appartements accueillaient le prolétariat venu de la région des Coastwalls ou des Landes d'Exermoor. Arrivé en vue de la carcasse rouillée du pont de chemin de fer de Charing Cross, le cocher à barbe poivre et sel, dont le dos presque bossu bombait sous une blouse noire, se retourna à plusieurs reprises, puis fit coulisser la trappe de communication avec le landau. Par la grille, le chauffeur dit à son maître « Milord, je crois bien que nous sommes suivis. » « Pour quelle raison nous suivrait-on? Nous ne sommes plus à Belfast, » rétorqua d'un ton égal le comte. « Détendez-vous, ces maudits Paddies ne frappent pour ainsi dire jamais en dehors de l'Irlande. » La haute naissance de Sir Hammersby aurait dû faire de lui un royaliste pur sucre, un Tory. Mais, traditionnellement, sa famille siégeait sur les bancs des Whigs. Et ce, non pour des raisons idéologiques, mais étymologiques. Le mot « Tory » désignait en effet initialement les paysans irlandais dépossédés de leurs biens et qui s'étaient fait hors la loi. Par extension, on avait pris l'habitude de qualifier ainsi tous les partisans armés ou bandits de grand chemin. Lors d'une des nombreuses guerres de succession au trône, ce surnom insultant fut donné à ceux qui soutenaient les prétentions du duc de York à la couronne d'Angleterre, alors même qu'ils s'étaient déconsidérés en se convertissant au catholicisme. Les partisans du prétendant reçurent alors de leurs adversaires puritains le sobriquet de Tories, pour indiquer qu'ils n'étaient que de vulgaires papistes et qu'ils ne valaient pas plus cher que les Irlandais. Ce fut ce pédigré sans tache qui lui valut d'être envoyé en Irlande par la reine Victoria pour veiller aux intérêts de la couronne dans le cadre des réformes agraires. À Belfast, son parti pris pour les colons protestants le fit vite détester et menacer. À son accession au trône, Édouard VII, qui souhaitait pacifier la situation dans l'île, le fit rappeler et on l'incita plutôt à briguer la succession de son père à la Chambre des Lords. Pour tout autre, le désaveu royal aurait été un sujet de mal-être, mais pas pour Reginald. Avec un flegme tout britannique, il avait toujours considéré la faveur des monarques comme une balançoire anglaise. Ce type d'escarpolette avait ceci d'agréable qu'à chaque fois que l'on se trouvait en bas, une impulsion vigoureuse vous précipitait aussitôt vers le haut. Certes, une fois en haut, on se sentait vite mal à l'aise d'avoir les jambes dans le vide. Mais il suffisait d'un peu de patience. De retour en bas, on pouvait de nouveau s'appuyer sur la terre ferme et ensuite, il n'y avait plus qu'à remonter. À vrai dire, son retour au sommet n'était pas pour demain, alors qu'il partageait son temps entre son hôtel particulier de Londres et le manoir familial de Saint-Worth en Cumbrie. De retour à son domicile au terme de sa journée parlementaire, Lord Hammersby trouva la lourde porte de l'hôtel particulier entr'ouverte. Armé de sa canne épée et secondé par son cocher, il entra prudemment pour trouver dans la cuisine son majordome saucissonné et bâillonné. La maison fut inspectée de fond en comble. Personne. La demeure avait-elle été cambriolée? Absolument pas. De l'inspection préliminaire sur le moment comme lors des investigations plus poussées des jours suivants, on fut forcé de constater que rien ne manquait et que rien n'avait même été déplacé. Le comte supposa que les cambrioleurs avaient été dérangés en pleine besogne, mais le rapide interrogatoire de son domestique le détrompa et le plongea dans la plus grande perplexité. « Un imprévu les a-t-il obligés à fuir ?» demanda Hammersby. « Non, milord, ils ont passé 2 heures ici et ne sont repartis que lorsqu'ils ont fini. Combien étaient-ils ? 3 plus 1. Comment cela, plus un ? Il y a les 3 mastards qui m'ont surpris et ligoté quand j'ai ouvert la porte, puis un autre homme est arrivé un peu plus tard et reparti un peu plus tôt. Comment le savez-vous si vous étiez attaché dans la cuisine? J'ai été rendu muet par le bâillon, mais pas sourd. J'ai bien entendu l'un des trois voyous descendre les escaliers 4 à 4 pour ouvrir à celui qui devait être leur chef. « Devait ?» interrogea le comte. « Oui, je n'en suis pas certain car je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il ne parlait pas en anglais. »« Pas en anglais, diable. En gaélique peut-être ?»« En français, je crois. Cela ressemblait à du français. » Lord Hammersby ne savait plus à quel saint se vouer. Les bras lui en tombaient littéralement. Un cambriolage qui n'en était pas vraiment un, des voleurs que personne n'avait mis en fuite et dont les allées et venues chez lui s'étaient faites le plus naturellement du monde. Et par-dessus le marché, tout cela orchestré par des Français. Certes, il n'aimait pas plus les mangeurs de grenouilles que les bouseux celtes, mais il n'avait jamais eu maille à partir avec le moindre Frenchie. L'homme se fit servir un double scotch et commença à se préparer pour sa sortie du vendredi soir. Il ordonna à son domestique de passer à l'agence de placement pour recruter un gardien afin de sécuriser la maison. « Dois-je prévenir la police, Milord ?»« Non, laissez tomber. Je vois un de mes amis qui est inspecteur à Scotland Yard ce soir. Je préfère le consulter avant d'entamer toute démarche officielle. »« Bien, monsieur. Dois-je vous préparer votre costume, justement ?»« Oui, ami, donnez-en le col. » Une heure plus tard, Reginald Hammersby avait revêtu un bel uniforme vert à parements rouges aux armes du club des Beef Eaters. Bouton et col emportaient les insignes qui représentaient un grill entouré de la devise « Beef, Steak and Liberty » et la date 1735. Comme chaque vendredi soir, de novembre à juin, il prit ensuite son coche pour rejoindre les gentlemen de l'élite londonienne qui se réunissaient au sein du club de la sublime société des mangeurs de bœuf. Si pour un continental, un tel nom pouvait avoir quelque chose de ridicule, c'était ici un véritable manifeste politique. En effet, le bœuf était pour ainsi dire l'animal totémique de l'Angleterre. Nourriture préférée des célèbres gardiens de la Tour de Londres, le bœuf se voulait l'incarnation du sentiment national anglais et de la force mâle. L'image de l'anglo-saxon carnassier était une figure construite en opposition à l'hégémonie culturelle française qui sévissait alors dans toute l'Europe. L'art culinaire raffiné des frogies, fait de fricassés et autres ragoûts, était jugé trop efféminé par et pour les Britanniques. Suite aux événements de la journée, le comte, une fois n'est pas coutume, arriva dans les derniers au Bedford Coffee House, où se déroulaient les soirées du club. En montant les escaliers, il entendit les rires et les éclats de voix de ses habituels compagnons. « Les parties de whist doivent être terminées, se dit-il, ils en sont à l'apéritif. » Le premier à remarquer sa présence fut le chef des pompiers, un homme robuste et grand, au visage rubicon, et qui semblait quelque peu mal à l'aise dans sa tenue de soirée. Le reste des membres de cette sublime société avait belle prestance. Comme il l'avait deviné, on s'empressait déjà près du comptoir du bar du clubhouse, où un barman en livrée servait de généreux verres. Des bouteilles d'alcool de toutes sortes voltigeaient dans les airs, puis venaient retrouver leurs places respectives sur l'étagère murale dans le dos du barman. Habituellement, Hammersby appréciait cette chorégraphie fluide et virevoltante. Ce jour-là, tout à son affaire, c'était la recherche de l'un des 28 sociétaires qui retenait toute son attention. Ce fut sans difficulté qu'il reconnut son confrère, assis seul à l'écart, un brandy à la main. Le superintendant McGrath était dans la force de l'âge. Sa taille élégante, sa physionomie avenante, son air franc, sa figure de malaxant, énergique par les traits, douce par les yeux, faisaient de lui, selon le proverbe gaélique, un de ces hommes qui ne tournent jamais le dos ni à un ami ni à un ennemi. Large d'épaules et puissant de poitrine, les bras musculeux, des favoris roussâtres et des cheveux poils de carotte rejetés de chaque côté de la tête, il sirotait son spiritueux. Bel homme, l'enquêteur de Scotland Yard avait une bonne tête d'Écossais. La courtoisie de ses manières, sa parole facile et spirituelle, le sourire de son regard, tout cet ensemble était de nature à charmer. Ses yeux pénétrants semblaient d'ailleurs transpercer les choses et les êtres. D'ordinaire impassible, il gratifiait parfois son entourage d'un sourire, propre à faire tourner bien des têtes de la gent féminine. C'est avec ce rayon de soleil qu'il accueillit le comte dès qu'il le vit. Les deux hommes échangèrent alors une cordiale poignée de main. « Mon bon McGrath, je suis fort aise de vous voir ici. »« Mais le plaisir est tout partagé, cher Hammersby. »« Ce n'est pas le lieu, mais j'ai là un mystère, comme vous les aimez, à vous soumettre. »« Auriez-vous un moment demain pour passer dans ma demeure de Holland Road ?»« Vous piquez ma curiosité, mon ami. À l'heure du thé, cela vous conviendrait-il ? Parfaitement. En attendant, mangeons, buvons et chantons. Le traditionnel repas des Beef Eaters se composait invariablement de steak accompagné de pommes de terre aux oignons. On l'accompagnait au porto ou à l'extra dry, et on finissait par un gargantuesque plateau de fromage. À la fin des agapes, le cuisinier débarrassait la table et recevait de chacun le prix du repas. La soirée se terminait systématiquement par des chants et des discussions très animées. Dans le creux de la nuit, nos gentlemen, habituellement si polissés, rentraient chez eux, un bras éméché, le cheveu en bataille et la tenue débraillée. Le cortège de fiacres et de calèches donnait à leurs au revoir des airs de procession au clair de lune.